Un ange sur la terre, chapitre 19. Une lettre. Le lendemain soir, Gennaro apporta la lettre. Reine la prit d'un air de complète indifférence, mais son cœur était plein d'un sentiment d'amertume. Pendant toute la soirée, elle fut d'une humeur massacrante et coupa, jusque dans leurs racines, les espérances de Martial. Mais celles-ci repoussaient d'autant plus vives qu'elles avaient été coupées de plus près. Aussitôt rentrée dans sa chambre, Reine tira la lettre de sa poche et la jeta avec dépit sur une table. Elle s'aperçut alors que cette lettre n'était pas cachetée. Dans la célèbre tragédie « Une faute », le poète allemand a dit « Quand le péché n'est encore que dans la pensée, c'est comme s'il n'existait pas. S'il est commis dans l'ombre et le mystère, sans autre témoin que la conscience, il n'existe pas non plus. » Tel est le terrible piège que le démon tend à l'homme. Par ce sophisme, il l'engage à commettre le péché en lui promettant une impunité garantie par le mystère. Si nous avons cru, pour des événements aussi simples que ceux que nous racontons, pouvoir citer ce passage d'une grave tragédie, c'est qu'il s'agit ici d'une circonstance grave. Décacheter, lire un papier destiné à un autre que vous, c'est commettre une action peu honorable, peu digne, peu noble. Tranchons le mot, c'est commettre une infamie. Les jeunes gens ne sont pas assez persuadés de cette vérité et on ne la leur inculque pas suffisamment. Il y a de ces règles d'honneur que les mères devraient inoculer à leurs enfants, avec plus de soin encore que le vaccin, destiné à les préserver d'une maladie mortelle. Des règles que les enfants devraient tirer des entrailles maternelles pour nourrir leur cœur, comme ils sucent le lait de leur mamelle pour nourrir leur corps. Le respect dû au secret d'autrui est une de ces règles dont généralement la jeunesse ne fait pas assez de cas. Poussée par un premier mouvement déloyal, Reine eut d'abord l'idée d'ouvrir cette lettre qui ne lui était pas adressée. Mais bientôt, la noblesse instinctive au caractère espagnol lui fit repousser cette dangereuse tentation qui ne tarda cependant pas à revenir. Reine était seule, sans crainte d'être surprise. Et d'ailleurs, lui disait le démon tentateur, si cette lettre est ouverte, c'est que celui qui l'a écrite ne craint pas qu'elle soit lue. Le papier ne conservera pas l'image de tes regards. Le péché ne sera pas plus connu que la pensée du péché. Reine hésitait encore, mais elle céda à cette sophistique réflexion. Si la grimace était ici, elle qui ne me cache rien, elle me montrerait cette lettre. Je lui écrirai que je l'ai lue, et elle ne m'en voudra pas. Une fois décidée, Reine s'approcha de la table, ouvrit la lettre d'une main ferme et lut. « Comme je sais que vous lirez cette lettre, c'est à vous que je m'adresse, reine. » Le papier lui tomba des mains. « L'insolent ! » exclama-t-elle indignée. Mais la curiosité lui fit bientôt reprendre la lecture de la lettre. « Avez-vous jamais pu croire, reine, que je puisse aimer une autre que vous ?»« Il m'aime ! » exclama-t-elle dans la joie d'un triomphe dont elle ne se rendait pas compte. Mais, comme si le papier eût deviné ses pensées pour les mortifier, la lettre ajoutait. « Je ne dis cependant pas que je vous aime, reine. Comme un prudent marin qui, avant de s'aventurer dans une mer inconnue, en sonde soigneusement tous les fonds pour se préserver des écueils, je ne vous aimerai que lorsque je serai bien certain que mon amour sera payé de retour. Si j'avais ce bonheur, reine, Oh, alors, vous seriez aimé comme vous méritez de l'être. Car moi seul, je sais ce que vous valez. Moi seul, je puis vous aimer d'un amour éternel et sincère. Mais, reine, j'ajouterai avec la même franchise que je ne sollicite pas votre amour comme une grâce. Quand en échange j'offre le mien, je veux le vôtre tout entier. C'est par trop fort, exclama Reine, et je ne continuerai pas une semblable lecture. Puis, le visage en feu, les yeux étincelants de dépit, elle se leva et, portant sa main blanche et froide à son front brûlant, elle dénoua son épaisse chevelure qui couvrait ses épaules comme d'un noir et brillant manteau de velours. Bientôt elle se rassit et reprit la lettre. « La femme que j'aimerai, reine, doit être à moi tout entière. Sa volonté doit se confondre avec la mienne. Elle doit déposer sa couronne. Le moi, cette étoile qui brille à son front, doit s'éclipser devant le soleil. « Vit-on jamais présomption plus inouïe ? » exclama Reine. « Cet homme est vraiment fou. Croit-il donc valoir mieux que tous les autres ?» Et de fait, ajouta-t-elle au bout d'un moment, en appuyant son front sur sa main, « il est certain qu'il vaut mieux que les autres. Mais ce n'est pas une raison pour que je me courbe honteusement sous sa loi. Il ne veut pas de grâce, il veut un triomphe. Eh bien, il ne triomphera pas sans combattre, et je lui ferai payer cher la victoire, si jamais il l'obtient. » Cependant, ajouta au bout d'un moment, la jeune fille agitée par mille sentiments divers. Cependant, il saurait aimer comme personne. Il saurait apprécier, embellir, parfumer et rendre éternel un amour qui, pour Martial, est un ridicule, pour Fabiane, un jouet. L'amour de Gennaro serait une essence concentrée. L'amour des autres n'est qu'un parfum qui s'exhale en fumée. Reine reprit la lettre et continua. Ne vous pressez pas de me répondre, ni de prononcer un arrêt qui, pour moi, reine, serait un motif certain de ne pas insister. Vraiment, exclama Reine, dont le dépit allait toujours croissant. Que cette brève syllabe, oui ou non, ne soit pas prononcée en l'air, car elle ne s'y évanouirait pas comme les notes de votre piano. Soit que le non vous coûte à dire, soit que vous hésitiez à prononcer le oui, réfléchissez-y bien avant de me répondre. Gennaro. Cette lettre est un prodige d'outrecuidance et d'audace, dit Reine hors d'elle-même, et j'ai bien envie de la porter à ma mère. Mais non, elle défendrait à Gennaro de revenir. Feindre de ne pas l'avoir lue, cela n'est pas possible. Et plutôt ciel que je ne l'eusse pas lue. Mais alors, elle serait parvenue à la grimace et c'eût été bien pis encore. Ah, cet homme m'a mise entre le mur et l'épée. Dans tout ce monologue, où un énergique amour luttait contre un immense orgueil, Reine n'eut seulement pas, tant est profond l'égoïsme de ces deux sentiments, une seule pensée de compassion pour cette amie absente, qui conservait dans son cœur, comme dans un tabernacle, les sentiments les plus purs et les plus tendres de l'amitié et de l'amour. Reine ne dormit pas de la nuit, et quand, à l'aube du jour, elle entendit les oiseaux gazouiller, elle se leva, pâle et les yeux battus, et au bas de la lettre de Gennaro, elle traça cette réponse. « Oui, je l'ai lue, cette lettre ouverte. J'étais curieuse de voir comment un traître s'y prendrait pour abuser une pauvre et confiante enfant. J'ai lu, et voici ma réponse. Vous avez bien des cordes à votre guitare, mais nul n'est au diapason de ma voix. » Le soir, Reine entra au salon la tête plus haute que jamais et remit la lettre à Gennaro. Celui-ci la prit et se mit ensuite à une table de tressillo, jeu de cartes, qu'il ne quitta que pour se retirer à son heure accoutumée. Rentré chez lui et après avoir lu les quelques lignes tracées par Rennes. « Première décharge, dit-il, double charge et boulet rouge. Faisons retraite. Une retraite faite à temps sert plus qu'une maladroite attaque. Prenons nos quartiers d'hiver et attendons. » Gennaro cessa d'aller chez la marquise. Malgré son calme apparent, il enrageait en lui-même. De son côté, Rennes passait les nuits à pleurer et à maudire ses larmes. Au bout de quelque temps, Rennes reçut une lettre de Cadix. Voici ce qu'écrivait la grimace. « Reine de mon cœur, si je ne t'ai pas encore écrit, c'est qu'en arrivant ici, j'ai été prise d'une de mes attaques qui m'a mise aux portes du tombeau. Le danger est passé, mais je ne me rétablis pas, et le médecin dit que le climat de Cadix est très mauvais pour moi. La véritable cause, suivant moi, c'est que je ne puis supporter votre absence. Que te dirais-je de mon voyage? Je frémis rien qu'à y penser. Quand, au sortir de la rivière, le bâtiment commença à lutter contre les flots, quand ceux-ci s'élancèrent, comme pour mesurer sa hauteur, quand je me vis au milieu du perfide élément, sans autre point d'appui que l'équilibre, je fus sur le point de mourir de frayeur. La lame était courte et écumeuse, et semblait fuir, devant le vent qui venait de terre, comme un troupeau de moutons fuit à l'approche d'un loup dévorant. Il faut que l'homme soit bien hardi, reine, et bien insensé, pour aller ainsi braver sans nécessité un péril toujours renaissant. Tu m'avais dit, sans doute pour me donner du courage, que Cadix était une belle ville. On voit bien que tu n'y es jamais allé. Figure-toi, un amas de pierres et de fer, de hautes maisons serrées les unes contre les autres et alignées comme des files de soldats. De sombres murailles percées de trous, au travers desquelles sortent, comme des yeux menaçants, des canons noirs comme de l'encre. Tel est Cadix, une immense prison au milieu de la mer. Comme je suis à peine sorti depuis mon arrivée, je n'ai pas encore vu une seule petite feuille verte qui me rappelle l'heureuse terre où naissent les fleurs. Seulement, sur le balcon d'une maison, vis-à-vis de la nôtre, un malheureux arbre de Judée ouvre ses rouges fleurs qui semblent de sanglantes blessures sur un corps épuisé. Je me suis laissé dire que si l'on fait une coupure à cet arbre, il perd son sang et meurt. Je crains bien que mon cœur ne perde aussi le sien par la blessure que lui a faite le départ. Le jour, je m'amuse à regarder les nuages. Dut se moquer de moi la rieuse Flora, à laquelle j'en vis sa gaieté, et surtout le bonheur de se trouver près de toi. Ces nuages qui sillonnent le ciel et où se peignent de fantastiques tableaux font tout mon bonheur. J'ai remarqué qu'il y en a de bons et de mauvais. Le soleil appelle les bons à lui, et ils s'élèvent à perte de vue, et il punit les mauvais en les précipitant à terre, où ils tombent en torrent de pluie. Mais la nuit, reine, la nuit, pendant laquelle je ne puis dormir, car la faiblesse me prive du peu de sommeil que j'avais conservé, la nuit, le chagrin m'oppresse, comme si l'air me manquait. Toi, reine, tu ne sais pas ce que c'est que le chagrin, puisses-tu ne le savoir jamais. Et puis, j'ai retrouvé mon ennemi mortel, la mer. Toute la journée, et surtout la nuit, j'entends ses lugubres gémissements. Je crois vraiment quelquefois qu'elle veut se révolter contre Dieu qui lui a posé des limites. Il n'y a que des blasphèmes qui puissent retentir avec un bruit aussi effrayant. D'autres fois, quand la mer est plus calme, elle soupire si douloureusement qu'il me semble qu'elle doit souffrir de quelque maladie secrète qui la fait s'agiter et rend ses ondes amères. Ma pauvre mère doit le savoir, elle qui repose dans son sein. Ma mère, l'unique être qui m'ait jamais aimé. Car ni toi, reine, ni lui, vous ne m'aimez comme je vous aime. Et je ne vous en veux pas pour cela. L'amour, comme la tristesse et la joie, sont choses qui ne dépendent pas de la volonté. En vain essayerai-je de vous aimer moins, pour diminuer les regrets de la séparation. Il ne m'a pas écrit, reine, et il l'a bien fait, car je ne dois pas recevoir de lettre sans l'autorisation de mon père. Et si je la lui demandais, il me la refuserait. Mais toi, ma reine, pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Tu sais cependant bien que, fussé-je à mon dernier moment, une lettre de toi rendrait la vie à mon cœur. Reine, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Ne sois pas si dure envers lui. Aime-le un peu par amour pour moi. Dis-lui, de ma part, que notre avenir est entre les mains de Dieu et que, tant qu'il me restera un peu d'espoir, il y aura dans ma vie un point brillant, comme entre les nuages, une étoile rappelle qu'il y a un ciel. Vous régnez tous deux dans mon cœur, comme deux anges qui le soutiennent dans ses tribulations. Excuse la tristesse de ma lettre. Comment ne serais-je pas triste quand je suis loin de vous? Au bout de quelques jours, Reine répondit à son amie. Je regrette beaucoup, mon enfant, que tu aies encore eu une de tes attaques, et j'aurais bien voulu être auprès de toi pour te soigner. J'espère que tu iras de mieux en mieux, que tu te plairas enfin à Cadix, et que tu trouveras un mari gadettant avec beaucoup d'argent. Cette raison ne le rendra peut-être pas bien séduisant à tes yeux, mais certainement aux yeux de ton père, qui professe un tel mépris pour les bourses creuses de notre ville. Si je ne t'ai pas écrit plus tôt, c'est que j'attendais une lettre de toi. C'est à ceux qui partent à entamer la correspondance. Tu ne me parles presque que de la mer, et tu sais cependant bien qu'il ne faut pas arrêter ton imagination sur ces choses qui te font mal. La mer, mon enfant, est tout bonnement une grande quantité d'eau, fort stupide, qui va où le vent la pousse et qui ne mouillerait la pointe du pied de personne si on n'allait pas la chercher. Tu aurais bien mieux fait de me dire si tu avais vu l'Hercule de la Alameda, condicillé. Je me figure qu'il ressemble à ton père. Certaines personnes ont su que l'auteur de tes jours s'était exprimé sur son compte en termes fort grossiers. Dans son orgueil, il ne lui a sans doute pas pardonné, mais dans sa dissimulation, il n'en a pas laissé voir une ride sur son front. L'absence opère sur chacun d'une manière différente. Chez Martial, c'est un enthousiasme effréné. Il t'appelle une douce et blanche fleur sans épines. Que tu le veuilles ou non, tu seras célébré dans ses vers. Pour mon compte, je te le cède, lui et sa poésie, en toute propriété. Mon cher cousin peut bien arriver à être député, mais il ne sera jamais disputé à personne par moi. Fabian vient de recevoir une admonestation du recteur parce qu'il néglige ses études, mais il s'en est consolé en faisant une ode à la paresse. Il n'oublie pas la perle, ni Flora non plus, et il cesse de rire quand il parle de ton absence. Ma mère, Don Domingo, et surtout moi, nous te conservons un tendre souvenir. Adieu, soigne-toi bien et ne me rappelle pas au souvenir de ton père. Quelle lecture pour la pauvre enfant qui soupirait après cette lettre pour se rattacher à la vie. Non, disait-elle après l'avoir lue, non, l'amour, l'amitié n'existent pas. Ne serait-ce qu'une illusion? Je les ressens cependant dans mon cœur. Mais s'ils existaient dans le leur, reine, s'exprimerait-elle ainsi? Pas un mot sur les chagrins de l'absence. Ni elle, ni lui, ne parlent du désir de me revoir. Je ne le vois que trop. Mon départ n'a laissé aucun vide. et les traces de ma présence sont déjà effacées. Mais pourquoi ne m'aimerait-il pas? Est-ce ma faute? Est-ce la leur? Peut-être ne suis-je pas digne d'être aimé, c'est ma destinée, c'est une malédiction dont j'ai hérité, ajouta-t-elle en tremblant à la voix de son père, qui congédiait durement un malheureux mendiant. La grimace se mit au balcon, et quelle ne fut pas sa pitié, en voyant la pauvre négresse qui l'avait élevée, brutalement chassée par son père, qui, au lieu de la renvoyer en Amérique, comme il l'avait dit à sa fille, avait trouvé plus commode de mettre simplement sur le pavé ce pauvre être, vieux et stupide, incapable de gagner sa vie. La négresse, appuyée sur une béquille, tendait à son ancien maître une main suppliante. « Francisca, pauvre Francisca !» s'écria la grimace. « Attends, attends !» Mais à ce moment, Don Roque referma violemment la porte. Telle était la timidité de la grimace et la terreur que lui inspirait son père, qu'elle n'osa pas insister pour voir la négresse, et qu'elle rentra dans sa chambre, où elle versa d'abondantes larmes. Quand elle fut un peu remise, elle appela un petit Galicien qui faisait les commissions, et comme elle n'avait pas d'argent, car jamais elle n'en demandait à son père, et celui-ci n'était pas homme à lui en offrir, elle remit à l'enfant de petites boucles d'oreilles en or qui avaient appartenu à sa mère et le chargea de les porter à la négresse en lui disant de les vendre pour soulager sa misère. La pauvre enfant mangeait à peine et chaque jour elle envoyait, par le petit commissionnaire, à la pauvre négresse la plus grande partie de son déjeuner. « La señora déjeune bien mieux depuis quelques jours, » disait la servante à Don Roque. « Je crois qu'elle ne tardera pas à reprendre ses forces. » Et le bon père vivait tranquille, bien que la pauvre enfant en fût venue à ce point de ne pouvoir plus se coucher et de passer les nuits dans un fauteuil. Bien qu'elle fût devenue si maigre que les os perçaient à travers la fine peau que recouvrait une blanche toile. Le médecin ne cessait de répéter qu'il serait urgent d'emmener l'enfant de Cadix, et Don Roque répondait invariablement « Nous verrons ».